Soureur d'haleine, il prend pourtant sa place et redouble bientôt la victoire d'Horace. Son courage sans force est un débile appui. Voulant venger son frère, il tombe auprès de lui. L'air résonne, des cris qu'au ciel chacun envoie. Albon jette d'angoisse et les Romains de joie. Comme notre héros se voit prêt d'achever, c'est peu pour lui de vaincre. Il veut encore braver, j'en viens d'immoler deux aux mânes de mes frères. Rome aura le dernier de mes trois adversaires. C'est à ses intérêts que je vais l'immoler, dit-il. Et tout d'un temps, on le voit y voler. La victoire entre eux deux n'était pas incertaine. L'Albin, percé de coups, ne se traînait qu'à peine. Et comme une victime aux marches de l'autel, il semblait présenter sa gorge au coup mortel. Aussi le reçoit-il, peu s'en faut sans défense. Et son trépas de Rome établit la puissance. Oh, mon fils, oh, ma joie, oh, l'honneur de nos jours. Oh, d'un état penchant l'inespéré secours, vertu digne de Rome et sans digne d'Horace, appui de ton pays et gloire de ta race. Quand pourrais-je étouffer dans tes embrassements l'erreur dont j'ai formé de si faux sentiments? Quand pourra mon amour baigner avec tendresse ton front victorieux de larmes d'allégresse? Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères. Le bras qui rompt le cours de nos destins contraires, qui nous rend maîtres d'Albe. Enfin, voici le bras qui seul fait aujourd'hui le sort de deux états. Vois ces marques d'honneur, ces témoins de ma gloire, et rends ce que tu dois à l'heure de ma victoire. Recevez donc mes pleurs, c'est ce que je lui dois. Rome n'en veut point voir après de tels exploits, et nos deux frères morts dans le malheur des armes sont trop payés de sang pour exiger des larmes. Quand la perte est vengée, on n'a plus rien perdu. Puisqu'ils sont satisfaits par le sang qui est pendu, je cesserai pour eux de paraître affligé. Et j'oublierai leur mort que vous avez vengée. Mais qui me vengera de celle d'un amant pour me faire oublier sa perte en un moment? Que dis-tu, malheureuse? Oh, mon cher Curia. Oh, d'une indigne sœur insupportable audace! D'un ennemi public dont je reviens vainqueur, le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton cœur. Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire. Ta bouche la demande et ton cœur la respire. Suis moins ta passion, règle mieux tes désirs. Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs. Tes flammes désormais doivent être étouffées. Bannis-les de ton âme et songe à mes trophées. Qu'ils soient dorénavant ton unique entretien. Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien. Et si tu veux enfin que je trouve mon âme, rends-moi mon Curia ou laisse agir ma flamme. Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort. Je l'adorais vivant et je le pleure mort. Ne cherche plus ta sœur où tu l'avais laissée. Tu ne revois en moi qu'une amante offensée qui, comme une furie attachée à tes pas, te veut incessamment reprocher son trépas. Tigre altéré de sang qui me défend les larmes, qui veut que dans sa mort je trouve encore des charmes et que jusqu'au ciel élevant tes exploits, moi-même je le tue une seconde fois, puisse tant de malheurs accompagner ta vie, que tu tombes au point de me porter envie, et toi, bientôt souillé par quelque lâcheté, cette gloire si chère à ta brutalité. Oh, ciel, qui vit jamais une pareille rage? Crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage, que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur? Aime cette mort qui fait notre bonheur, et préfère du moins au souvenir d'un homme ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome. Rome? L'unique objet de mon ressentiment. Rome à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore.